Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. C'est Thierry Gallet. C'est une nouvelle saga des Fab Four. La saga numéro 305 sur RIG, bien sûr. Branchez-vous sur 90.7 si vous êtes dans la région bordelaise. Pour le reste de la France, de l'Europe, du monde, ou de plus loin encore, je ne sais pas, c'est sur www.rigfm.fr. Vous avez aussi l'application TuneIn, vous avez, je crois, VLC qui vous permet de retrouver RIG. Vous avez plein de moyens de retrouver RIG, R-I-G, tout simplement. C'est dans le Bordelais. Et c'est la 10e année qu'on est là, je crois, ou un truc comme ça, pas loin. Bref, tout se passe très très bien. J'espère que vous allez passer une bonne soirée en compagnie de John, Paul, Ringo et George, puisqu'aujourd'hui l'album de la semaine c'est le Live at the Hollywood Bowl. Vous savez, qui a fait suite à ce très beau documentaire qui est sorti jeudi dernier. J'espère que vous êtes allé le voir. On pourra en parler. Vous pourrez nous rejoindre sur Facebook, le groupe La Saga des Fab Four, ou sur macaclub.com, toujours la rubrique La Saga des Fab Four, ou sur Twitter avec le hashtag Saga Fab Four. Vous parlez de ce film et de ce que vous en avez pensé, si vous voulez. Live at the Hollywood Bowl, ça s'appelait The Touring Year, pour Years même, pour le reste. On écoutera Twist and Shout, Roll Over Beethoven, Long Tall Sally, Dizzy Miss Lizzy, Boys et She's a Woman. Mais il y aura également du McCartney, du Lennon, du Harrison et du Starr. Et là, j'ai sorti un petit peu du sentier battu. Par exemple, pour McCartney, Good Times Coming, Feel the Sun, tiré de l'album Press to Play de 1986. On l'écoute rarement, et bien on va corriger le tir en l'écoutant ce soir. Pour Lennon, ce sera Oh My Love, tiré de l'album Imagine en 1971. Pour George Harrison, cette chanson que j'affectionne particulièrement, une des plus belles, qui est une reprise pourtant de 1981 sur l'album Somewhere in England. La chanson s'appelle Baltimore Oriole. Vous aimez cette chanson, je l'aime aussi, alors on la diffusera dans la saga des Fab Four. Quant à Ringo Starr, il nous chantera Think It Over, extrait d'un album hommage à Buddy Holly, mais également sur l'album Ringo 2012, sorti en 2012. Ah oui, pas plus difficile que ça avec Ringo. Et donc voilà, pour le reste, eh bien, vous le découvrirez au fur et à mesure. On a 30 titres de programme et je pense que tous passeront. Et on commence tout de suite par ce fabuleux Twist and Shout en live. Bonne soirée à vous. And now, here they are, the Beatles! Paul McCartney. Good times coming in. Un album qui n'a pas marqué en 1986, l'album Press to Play, avec une pochette résolument kitsch rétro, mais très belle, avec Paul et Linda en façon années 30, en noir et blanc, très très mignonne. Alors que lui voulait être contemporain, vraiment être dans l'époque des années 80. Il a essayé des sons différents, il a sur la pochette, enfin à l'intérieur de la pochette, il y avait une sorte de dessin qui vous donnait les endroits d'où vous pouviez entendre les sons, à gauche, à droite, au milieu, etc. C'était plutôt intéressant et évidemment il y a des perles dans cet album-là, comme Good Times Coming, Feel the Sun, Footprints, quelquefois émouvantes comme Only Love Remains, des poignées de rock bien senties comme Stranglehold ou carrément saignant Angry, et puis moi la chanson que j'aime beaucoup c'est Press, bien entendu, et la chanson que j'adore qu'on écoutera je crois une autre fois c'est However Absurd qui ressemble à un truc Beatles que j'aime vraiment vraiment beaucoup. Voici John Lennon maintenant sur RIG, mais dans la version de Oh My Love qui ne date pas apparemment d'après ce que j'ai programmé. Je vous avais parlé de Imagine, mais non, j'ai changé. C'est la version de Once Upon a Time sur RIG. Ah, c'est Oh My Love. Oui, je l'ai dit. Bon, bah alors, tout va bien. Vous êtes bien sur RIG 90.7 et c'est la saga des Fab Four. Légèrement différente, mais très bien aussi. Il nous reste un quatrième larron après avoir écouté Paul McCartney, John Lennon. Il nous reste deux personnes même. Il nous reste George Harrison et Ringo Starr. Les voici avec Baltimore Oriole et Thinking Over à la suite sur RIG. Look Ruffles Blue. Home, home, ain't home without a wobbly. Now she can't sing, make a lonely man happy. Baltimore, fait les calculs, j'ai reposé les chiffres à droite et à gauche. Nous avons Paul McCartney, Good Times Coming, Feel the Sun, John Lennon, Oh My Love, George Harrison, Baltimore Oriole, et Ringo Starr, Thank You Love. Nous avons bien fait les quatre. Donc, il est temps de parler des Beatles. Donc, il est temps de parler de Lovely Rita. Lovely Rita, c'est celle qui, à Londres, fait le Beatles Magazine que vous retrouvez sur Facebook, sur Google, sur Twitter, entre autres. Et 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous savez tout sur les Beatles grâce à elle. Elle rassemble tout, des vidéos, de la musique, des annonces de concerts quand il s'agit de McCartney ou de Ringo Starr, par exemple. Et également sur les animateurs qui font des émissions sur les Beatles. Vous savez tout grâce à elle sur BeatlesMagazineUK.com. Allez-y, il y a plus de, je sais plus combien de millions de visiteurs, c'est absolument impressionnant. J'allais vous dire plus de 3 millions, mais je crois que c'est bien au-delà. Donc allez-y, BeatlesMagazineUK.com, vous ne le regretterez pas. Merci, Lovely Rita. Voici maintenant les Beatles, extrait de l'album de la semaine. Ce sera Roll Over Beethoven, avec un petit message d'un copain justement qui fait de la radio et qui est aux États-Unis. D'ailleurs, en ce moment, il est à Rome, il est du côté de Rome. Il est venu en vacances faire un petit tour pas très loin de chez nous finalement. Hello, this is Michael Honorato from Beatles Tonight, and I'm listening to La Saga de Fab Four with Terry Gale from New Jersey here in the USA. Keep rocking, Terry. I will, Michael. This is for you. Roll Over Beethoven. Maintenant, je pense que vu le volume sonore, on s'arrêtera à la fin de chaque chanson extraite de l'album de la semaine. Ça fait trop de bruit. Et pourtant, j'ai vu sur Facebook, enfin sur Internet en général, une toute petite comparaison entre ce qu'était le document sonore Live at the Hollywood Bowl avant, c'est-à-dire on entendait les cris beaucoup plus que les voix, et ce qui est devenu ce que vous avez entendu juste à l'instant. On entend bien les voix, et même si les Beatles disaient ben, on ne s'entendait pas, ben, vous pouvez noter comme moi qu'ils chantaient juste, ils avaient beau essayer de s'époumoner, ils chantaient drôlement bien. Et d'ailleurs le documentaire que j'ai vu jeudi dernier était vraiment très très bien. On voit vraiment quatre potes qui sont soudés, qui sont là, qui ont un certain culot d'ailleurs, parce que quand on les attaquait sur diverses choses, et ben, ils renvoyaient la balle aux journalistes sans aucun problème. C'était une fois John, une fois George, une fois Paul, et pourquoi pas Ringo, qui arrivait avec une blague, et c'était vraiment très très bien. Et il y a un passage que j'adore, ça date je crois de 1964 à Jacksonville. On leur avait dit, oui mais, parce qu'à l'époque c'était malheureusement bêtement la ségrégation homme blanc et homme de couleur, et eux avaient dit, bah écoutez, si jamais il y a une ségrégation pendant notre concert, et ben on fera pas le concert. Et ils ont eu raison, et il y a une dame qui témoigne, témoigne en disant « ça m'a fait très très bizarre d'être au milieu de blancs et de profiter de ce concert et c'était absolument génial ». Merci les Beatles. Les Beatles d'ailleurs avaient oublié à peu près ce détail-là et ce documentaire-là le pointe et c'est vraiment très très très bien. Voici les Beatles. Au tout début aussi, j'ai décidé que tous les Beatles programmés seront des Beatles du début, il me semble. Voici « From Me to You » sur RIG. mission without permission given to you. Cette chanson à l'origine n'était pas dans l'album Flowers in the Dirt de 1989, mais elle date de cette époque-là. Et avouez que c'est quand même une très très belle chanson, un très très beau slow. Le côté romantique de Paul dirait Lovely Rita certainement. Je vais vous proposer une chanson de George qui va faire plaisir à comment il s'appelle, Jean-Philippe Fab Four, qui on pense. C'est Handle with Care de Traveling Wilburys, mais dans la version longue. Voici donc. Mais Georges et ses copains sur RG. Next to mine, and dream. podcast. You're the best thing that I've ever found. And only with her. Quelque part, un faux groupe qui ne se prenait pas la tête. Bob Dylan, Jeff Lynne, Tom Petty, George Harrison, bien entendu, et Roy Orbison dans ce groupe Traveling Wilburys, qui était parti d'une seule petite idée amusante. Je crois que c'est George Harrison qui voulait aller enregistrer, mais qui est passé chez un copain, qui est passé chez un autre, et puis à force d'aller chez les uns, chez les autres, ils se sont retrouvés comme ça. Ils se sont dit, tiens, ben si, pour déconner, on faisait deux, trois chansons ensemble. Et c'est parti comme ça. Il y a eu le premier album en 88, et il n'y a pas eu le deuxième album. Directement, on est passé au troisième parce que il y a eu la mort de Roy Orbison entre temps et c'était pour marquer le coup qu'ils ont appelé le deuxième album le volume 3. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette chanson qui est une bonne chanson, Handle With Care. La suite, oh, ça va être un petit peu plus triste. C'est l'une des plus belles chansons de John Lennon après la séparation. Enfin, moi, je l'aime en tout cas énormément. La chanson s'appelle Nobody Loves You When You're Down and Out. Elle date de 1974 sur l'album Walls and Bridges. Mais auparavant, un petit message de vous. C'est vous qui faites la saga aussi. Bonsoir tout le monde, c'est Joël. Je vous écoute depuis la Belgique. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de la saga des Fab Four. Bisous à tous. Merci Joël. Voici un John triste en 1974. Mais quelle belle chanson. Sees you when you're on cloud nine. Everybody's hustling for a buck and a dime. I'll scratch your back. I'm not afraid to die. La fin de cette chanson. Everybody loves you when you're 6 foot in the ground. Tout le monde t'aime quand tu es 6 pieds sous terre. Ça fait mal. Ça fait des frissons. Mais quelle belle chanson. John Lennon, à l'instant. Dans quelques secondes, nous allons rejoindre l'album de la semaine avec un Paul McCartney au mieux de sa forme qui va hurler Long Tall Sally. Mais juste avant, puisqu'on parle de ce fabuleux documentaire qui sortira le 22 novembre en DVD, je vous livre le sentiment de, je suis en train de rechercher la page de Penny Lane sur Maca Club qui me dit comme ça, dans la salle de cinéma où j'étais jeudi soir, tout le monde a éclaté de rire quand un journaliste s'est adressé à John en l'appelant Eric et après lui avoir demandé mais lequel êtes-vous ? Oui, c'est vrai. C'est vrai que lorsque vous aurez le DVD, si vous n'avez pas eu la chance d'aller voir ça au cinéma, vous allez voir, il y a des moments vraiment hilarants. J'ai adoré ce moment-là, notamment. Eric, oui ? Oui, oui, pourquoi pas, si vous voulez m'appeler Eric, vous m'appelez comme ça. C'est pas ce qu'il a dit, mais bon, c'était assez bête pour faire ce genre de truc-là. Attention, ça va crier, ce sont les filles de 1964 ou 1965, puisque le concert est extrait de ces deux années-là. Quelle belle année d'ailleurs, 1964. Avec Long Tall Sally sur RIG.

belong to you. I find the things that you do will make me feel alright. You know I feel alright. You know I feel alright. Belle année, l'année où il y a eu cette chanson-là, Hard Day's Night. Bien entendu, n'y voyez pas plus loin. Il paraît qu'il y a des légendes aussi qui sont nées à cette époque-là. Bref, je voulais vous parler de l'album de la semaine parce qu'il y a eu un bel article sur Maca Club fait par Dominique Grandfils, que je remercie. Et je vais vous lire tel quel. Le 22 novembre prochain sortira le DVD du film de Ron Howard, les Beatles, 8 Days a Week, The Touring Years. Et il y aura plusieurs éditions, une édition simple de DVD, une édition Blu-ray accompagnée d'un livret de 12 pages pour l'édition simple aussi. Une édition de luxe comprenant deux DVD, un beau livre exclusif de 64 pages et non pas 12, et une édition Deluxe contenant deux Blu-ray accompagnés d'un beau livre exclusif de 64 pages, à peine plus cher. À votre avis, je prendrai laquelle? Bon, n'en parlons pas, évidemment je prendrai la plus grosse édition possible et imaginable, et ce sera bien, il y aura le film et puis il y aura des inédits dedans, des choses très très intéressantes que je vous convie à aller voir d'abord si vous voulez en savoir plus sur macaclub.com. Et puis surtout, le 22 novembre, n'hésitez pas, allez dans votre magasin habituel et puis dites « Je viens de la part de Thierry Gallet de La Saga des Fab Four et je viens acheter le DVD de Ron Howard et des Week. » Et si vous faites une restone, vous m'en parlez. Ça m'étonnerait, mais ça pourrait être sympa. Attention, ça va hurler. Voici 8 Days... Non, pas 8 Days a Week. Dizzy Miss Lizzy sur RIG. I do a song called Dizzy Miss Lizzy. Comme quoi, les jeunes filles dans les années 60 avaient de sacrés poumons. Parce qu'elles hurlaient. Elles n'entendaient rien du concert, mais elles hurlaient. Ah là là là. Très tardé, on écoute ça. Can you hear me? Can you hear me? Yes! Good! Quelle ambiance de dingue. Allez, on coupe ça parce que la chanson suivante, forcément, est beaucoup plus calme. Et donc, il est temps que je parle pour vous faire oublier cette ambiance de concert avec des jeunes filles en train de hurler. Puisque nous arrivons à, vous savez, la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George que vous pouvez reprendre, qu'un artiste peut reprendre à sa façon. Dans la même ligne ou complètement différemment, ou même si les Beatles eux-mêmes ont repris une chanson par exemple de Chuck Berry, eh bien ça fait partie des covers si on l'écoute. Quelquefois il y aura des mash-ups aussi, qui sont des mix de chansons. Eh bien je vous propose un album que j'ai découvert cet été, ça s'appelle Songs of the Beatles Reggae Style. Eh bien je vous assure qu'en reggae, il y a des chansons qui passent drôlement bien. En voici une par exemple, c'est Pat Kelly qui la chante, et le titre du morceau, vous le connaissez, c'est A Hot Day's Night version reggae. Écoutez, à mon avis ça va vous plaire. I should be sleeping. take a chance on what's ahead, you'll never know. And down every road you come to bridges. Some are crossed and some get burned. And some you tear down and new ones get built from what we learn. C'est drôlement bien. 75 ans il avait à l'époque lorsqu'il a sorti cet album-là, puisque c'était l'année dernière, en 2015, Monsieur Ringo Starr. L'album s'appelle Postcards from Paradise et c'est vraiment un excellent album de Ringo Starr, je vous le conseille. Il y a dessus, ben, il y a, vous savez, Rory and the Hurricanes, etc. Vraiment, vraiment du très très bon Ringo Starr. Allez, on remonte en 1993 avec un single de Paul McCartney. J'aurais dit une phase B, mais 1993, c'était plus des singles. Ce sera dans quelques instants Long Leather Coat, un titre assez étrange, mais drôlement bien fait, comme d'habitude, de Monsieur Paul McCartney. The Fabulous Four Saga, right here on your radio, oui. With Thierry Gallet. Yes. Paul McCartney here, and you're listening to widescreen radio. Alone.

On raconte que ce que vous avez entendu au début, vous savez, c'est le bruit, par exemple, d'une guitare qu'on pose à côté d'un ampli, et ça donne un retour, donc comme ça. Et c'était donc quelque chose qui n'était pas prévu. Et puis ça leur a plu. Et quand ça plaît aux Beatles, eh ben, ils l'incorporent dans la chanson. C'était ça le génie de John, Paul, de George aussi, et puis de Ringo peut-être dans son jeu de batterie. De toute façon, à l'époque des années 60. D'ailleurs, tiens, puisqu'on revient sur l'album de la semaine qui est le Live at the Hollywood Bowl, ce que l'on voit, ce que l'on entend bien dans ce film-là, dans ce documentaire-là, c'est que les quatre avaient leur importance. On dit souvent, enfin, j'entends dire que Ringo, oui, il a eu du bol de faire partie des Beatles, mais il a fait partie des Beatles parce qu'il le méritait, parce que il a, avec son jeu de batterie, ses innovations et tout ça, il a apporté aux Beatles. Donc, ne pensez pas que Ringo n'était pas aussi important que les autres. Il avait beaucoup d'humour également. Il était un peu le gars qui soudait tous les autres, puisque lui, il était toujours d'accord avec tout le monde. La preuve, après la séparation, il va jouer avec John Lennon, il va jouer avec Harrison, il va jouer avec McCartney. Un peu plus tard, il jouera avec tout le monde. C'est comme ça, c'est lui. Et d'ailleurs, on le retrouve à The Hollywood Bowl, en train de hurler « Boys » sur RIG.

et des sessions de London Town, Paul McCartney en 1978. On va retrouver une dernière fois la furie de l'album Hollywood Bowl, le nouvel album sorti des Beatles, extrait de la bande originale du film Eight Days a Week, The Touring Years, qui sort le 22 novembre. Je vous conseille de l'acheter. Vous allez être sous le charme parce que c'était vraiment, vraiment excellent. Voici She's a Woman sur la RG. She's a Woman, Paul McCartney qui hurle, et les Beatles bien sûr d'ailleurs. Ouais, mais on l'écoutera pas, on l'écoutera une autre fois. Voici George Harrison, A Horse to the Water, en 2007, c'est un remix. C'est extrait de l'album de Jules Holland. Still don't

reason to go on. Letting love die is unkind. If I still know you're the one, why am I wrong all the time? How can I be wrong? Wrong all the time. Il reste encore quelques minutes avant 22h, c'est cadeau, c'est pour vous, juste pour vous. Okay, cruising ahead, cruising ahead, cruising ahead, cruising ahead. My little baby lies like a warm bed. She's cruising ahead. Cruising ahead. Well, some day reporters offer come around to see my baby, my little baby, sleep so sound. She got a better way to get to sleep. I didn't even seem to be counting sleep. Cruising ahead. Paul, et qui le fait à la perfection, il sait faire ça, il est très à l'aise dans ce registre-là, et on l'adore. Il est 22h, c'est la fin de la saga des Fab Four. Je vous remercie d'avoir écouté cette 305e édition, et émission d'ailleurs aussi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Quel sera l'album de la semaine ? Là, tout de suite, je ne peux pas vous le dire, je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura un live? Est-ce qu'il y aura un Paul McCartney? Oui, oui, oui. Ou un John Lennon? Ou un Ringo Starr? Non, c'est déjà fait. Ou un George Harrison? Ou... Bref, on verra bien. Rendez-vous mercredi prochain, 20h-22h. Le podcast arrivera demain, probablement. Donc restez à l'écoute. Allez voir la page des podcasts. C'est pas difficile. Vous tapez les podcasts de l'émission La Saga des Femmes Fortes et vous devez arriver à trouver la page. Lorsque vous prenez un podcast, vous appuyez sur « J'aime ». Comme ça, je sais que c'est vous qui avez pris le podcast. Sinon, je sais que quelqu'un a pris le podcast, mais je ne sais pas qui. Voilà. Allez, Eric n'est pas là ce soir, donc on se permet... Peut-être de laisser le disque filer juste après le générique, peut-être. Et on se retrouve très très bientôt. Bisous aux filles, pour aimer en garçon. C'était Thierry Gallet pour La Saga des Femmes Fortes. Salut, bye. Moment que j'avais envie de vous proposer cette chanson-là, To You, sur RIG, extrait de Back to the Egg, bien sûr. voulais arrêter là, mais à la demande générale, je veux bien céder parce que c'est vraiment trop trop bien. So glad to see you here. Mais après on arrête, promis. That's all, folks. See you next time.